La nuit des temps, Radio Duo. Son pleur, c'est une machine à réincarner. On lui donne un son et hop, ce son reprend vie différemment. Et bien pour Nicolas Repac, c'est un peu la même chose, mais son art du sample offre en plus la pure sensation d'entendre de vrais musiciens en plus. Yeah. La nuit des temps, l'international de la danse. C'était la First Lady de Détroit. 30 ans de carrière à repousser les limites de la techno et de la house. Kelly Hand nous a quittés en 2021. Mais ces folles lignes de basse nous manquent terriblement aujourd'hui. Et voici le très YMCA, Feel. machines de Détroit, les machines de Saint-Étienne, K&. C'était aussi le truc du producteur Giorgio Moroder. Et son célèbre Chase de 1978 tient en grande partie sur cette ligne de basse minimale. Elle est ici revisitée par DJ Inn et sa style Pan Touch. jour en 1978, les Lijadu Sisters mêlent Yoruba, Afrobeat, jazz et disco. Nous sommes à Ibadan, et oui, nous sommes au Niger. Thank you. en parlait la semaine dernière dans la spéciale Louise Michel, Sylvia Robinson a non seulement produit le premier hit rap avec les Sugar Hill Gang, mais c'était aussi une fantastique productrice disco. Shame, shame, shame, c'était elle, avec la version ici de Charlie et compagnie. Et nous sommes à New York en 75. If you get the notion, you can't stop the groove, cause you just won't move. Got my sunroof down, put it down. Got my diamond in the back. Put on your shaggy ring, woman, if you thought I ain't coming back. Shame, shame, shame. Ooh, shame on you, girl, if you can't dance too. I said shame, shame, shame, shame, shame, shame. Shame on you, if you can't dance too. If you don't want to go, remember one monkey don't stop no show. My body needs action, ain't gonna blow. Yes, I'm going out and find a dancing man. If you really think you're fast, try to catch me if you can. I say shame, shame, shame, ooh, shame on you, girl. La nuit des temps, l'international de la danse. If you get the notion, you can't stop the groove, cause you just won't move. Got my sunroof down, got my diamond in the back. Castro flirte avec une sorte d'atonalité et son premier album est publié sur l'excellent label QTV Cello. C'est tranchant, c'est dansant et nous sommes dans la région de Parjada Fluminense. hara kiriya da gezayenge Quando a mãe chorar e o curarim doida Vá botar crioulo doido, miolo bater No sofri hara kiri veneno é pinga A salutar é praga pra não ver E na Kimbin queda livre encomenda pro chão A cisão, a pedra, a rocha, a sede de comer Sou pai pra te levar além Olha a pai me fez na paz de uma explosão A folha morta do para na tua teia Na tua cara a porta aberta da prisão Da Gizaga Quando a cobra fuma e a fumaça finca Degola sete cabeças, 14 crescer No sem fim, harakiri, veneno é pinga Moi, moi, C'est une pépite qui tourne dans la défricheuse programmation de Duo. On la retrouve aussi sur la péniche La Marquise à Lyon le 21 novembre prochain ou à la Cigale à Paris en avril. Et malgré ses anxiolytiques, on aime son énergie. Un brin désespéré. C'était Théa. Je ne sais plus. Qu'est-ce que l'on s'est dit ? Pourquoi je suis revenue ? Et pourquoi t'es parti ? Est-ce que tu t'es vu ? Est-ce que tu m'évites ? Qu'est-ce que je te veux, putain ? Qu'est-ce que je t'ai dit ? Le bruit des adieux, l'odeur de ton lit. J'ai joué le jeu, toi, ta bougie de Paris. Dis qui de nous deux a morflé le pire ? J'ai fini toute seule, ça vous fait tes anxiolytiques. Sur cette histoire, je voulais briller, j'étais dans le noir. On a baisé une dernière fois. T'as pris ton billet seul à la gare. J'ai pris mon billet sur cette histoire. Je voulais briller, j'étais dans le noir. On a baisé une dernière fois. On a baisé une dernière fois. La nuit des temps, Radio Duo. Le magnifique nouvel album des Floating Points. On rembobine 50 ans. 50 ans de son électro. Fast forward. Et pourtant, nous sommes bien en 2024. 22h, et on ferme comme on a ouvert. Parce que c'est déjà l'heure de fermer les portes, un peu spatiales ce soir, de notre bon vieux club, perché là-haut, dans les étoiles. Et c'était une nuit des temps bal-jungle, un peu baltringue, en tout cas presque jobard, avec ce soir sur notre dance floor, les Floating Points, pour ce nouvel album Cascade, que l'on n'a pas fini d'épuiser pendant les longues soirées d'automne qui s'annoncent. Et c'était naturellement notre power play cette semaine. Et justement, on a également reçu le fantastique bal-jungle de Nicolas Repac, et qui nous aura servi de mantra ce soir. Le livre de la jungle, justement, avec Georges Brun, c'est en 1967. Et puis après, il y avait un souvenir de 1995, et la géniale Kay Handa, le jeu d'échecs de Giorgio Moroder. Ce Lijadou Sisters, dont on me dit que ça se réédite à tour de bras côté vinyle en ce moment. Charlie et compagnie, car sinon, la nuit des temps sans un hit disco ne serait pas tout à fait la nuit des temps. Cash Trino, comme un soleil sombre du Brésil. Il y avait également Dr. Blackman qui hurle au milieu du café noir. Et Théa, debout, malgré ses anxiolytiques. Là tout de suite, avec nous des visiteurs de Pluto. Pluto, une planète qui somme presque comme Pluton. Et peut-être qu'avec un peu de chance, si les ondes émises depuis le pylône de Radio Duo poussent les nuages, on voit peut-être Pluton scintiller dans le ciel de Saint-Étienne. Ou encore plus fort, un peu plus loin, on enlève le N et on voit scintiller Pluto. La planète Wawa, et qui referme cette 54e soirée de la nuit des temps, déjà. Dans quelques instants, les bonus secrets. Buena noté, à la semaine prochaine. Salut. Radio Duo, 21h56. Ouais, c'est l'heure des bonus secrets.